بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Donc j'ai commencé par ces versets là qui montrent clairement l'importance de l'unicité et qui fait le partage entre le croyant et le mécréant, entre les habitants de l'enfer et les habitants du paradis. Cette parole, kalima tayyiba, la ilaha illallah, c'est elle qui va trancher, c'est elle qui tranche entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Baraballahu matalan, kalimatan tayyibatan, kashajaratin tayyiba, asluha thabitun wa far'uha fis samaa, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. La bonne parole, la ilaha illallah, elle a une racine, c'est comme un arbre, elle a une racine. Et elle a des branches qui tendent vers le ciel et qui donnent des fruits. C'est ça la ilaha illallah. Hein? En racine. Et celui qui porte la ilaha illallah, il a des racines. Personne ne peut le faire bouger. Personne ne peut l'égarer. Si tout le monde se détourne de la voie d'Allah, il reste accroché. Parce qu'il sait, il connaît l'importance de cette kalima. Il sait que s'il l'a dans son cœur, il sait que s'il l'applique en parole et en acte, elle va sortir de l'enfer vers le paradis, ou il va le faire entrer directement au paradis. Donc, c'est le dogme, c'est la connaissance de la ilaha illallah qui est la plus importante. Et donc, le premier ordre, comme on a dit, c'est se désavouer de l'association du shirk et se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Donc d'abord se désavouer de l'association et des associateurs de tout ce qui nuit à l'unicité et l'unicité totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez-moi. Donc, comme j'ai dit, il faut se désavouer des associations pour bâtir l'unicité. Quand on veut bâtir quelque chose, on enlève ce qui est mauvais, on fait les fondations et on enlève tout ce qui est mauvais et on bâtit la ilaha illallah. Donc, se désavouer d'abord de toute forme d'association. Et donc, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire l'association? C'est égaler quelqu'un avec Allah. Soit l'égaler dans la seigneurie, c'est-à-dire la création ou la royauté ou la gérance, soit l'égaler dans l'auluhiyah, c'est-à-dire de dire qu'une telle personne est digne qu'on l'adore, est digne qu'on l'aime, est digne qu'on le crée. D'accord? Donc le fait de ressembler quelqu'un à Allah, c'est une association. D'accord? Et donc Allah, il est jaloux de ses attributs. Allah, même la personne qui est ses divinités, même dans la forme, dans le dessin, ou en modelant une statue avec sa main, c'est qu'il l'a égalé dans la création. Allah, il a dit, وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ وَلْيَخْلُقُ ذَرَّ أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّ أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَ. Hadith sahih. C'est injuste. Qu'il est le plus injuste que celui qui va jusqu'à créer comme je crée, alors qu'il crée une fourmi, alors qu'il crée une graine d'orge ou une graine de blé. Donc juste limiter, juste dans le dessin, en fabriquant une statue comme ça, avec des yeux, avec un nez, on creuse des narines, on fait une bouche, avec juste là, Allah il n'aime pas. D'accord ? Il est rapporté aussi dans le Sahihain, Bukhari wa Muslim, que Aisha radiallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد من سفر إلى revenu d'un voyage. فسترت وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. أمنا عائشة دي qui a une lucarne dans sa maison et qui l'a couvert avec un rideau avec des dessins. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand il a vu ça, son visage, il a changé de couleur. Quand le visage du prophète, il change de couleur, en fait, ça fait partie de la sunna. On dit que la sunna, c'est parole. Et acte, et quoi encore? Et confirmation, et changement d'état du prophète. C'est-à-dire, quand il rougit, c'est une chose. Quand il sourit, c'est une chose. On peut même sortir une règle, une loi, que telle chose est haram parce que le prophète a rougi. Juste, c'est ce qu'ils appellent en français les ratifications silencieuses. C'est-à-dire sans parler, sans, comme par exemple les deux rak'ats entre l'adhan de l'Maghreb et l'Iqama. D'habitude, les gens ne le font pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba ils rentrent, ils la font entre l'adhan de l'Maghreb et l'Iqama. Les sahaba ils le font. Ils le font, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les voit, mais il ne dit rien. Ça veut dire qu'il a confirmé ce qu'ils font. Là, dans ce hadith, la couleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé. Quand il a vu ça, il a dit, Ya Aisha, inna ashaddan nasi adaban yawm al-qiyana. Inna ashaddan nasi adaban yawm al-qiyana. Alladhina yudahuna bi khalqillah. Les gens qui vont recevoir le plus grand châtiment, ce sont ceux qui veulent imiter Allah dans sa création. Ils ne vont pas créer comme ils créent. Ils ne vont pas créer, ils vont juste l'imiter dans le métier. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Adam, فَإِذَا صَوَّرْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ. Si j'ai créé Adam, je l'ai formé, je l'ai modelé, vous prosternez. Il a demandé aux gens pour se prosterner. Donc la personne qui l'imite juste dans ça, il va subir le plus grand châtiment. Il l'a imité juste dans le métier. D'accord ? Il y a d'autres hadiths qui disent aussi, il y a beaucoup de hadiths là-dessus, il est dit que ceux qui font des dessins, qui modèlent des statues, Allah leur demandera de finir leur travail. C'est quoi le travail? D'insuffler ar-ruh. Ah, yuqal lahum, ya'murhum Allah ta'ala an yanfukhu fiha ar-ruh wa ma an yanfukha fiha ar-ruh wa ma huwa binafa. C'est-à-dire, il va lui demander de ramener cette statue, bon, tu insuffles le ruh, tu continues ton travail. Tu as essayé de m'imiter. Ben, tu continues ton travail, tu insuffles la vie et tu finis le travail que j'ai fait. Donc Allah, il est jaloux de ses attributs. C'est lui le créateur. Il ne veut pas que quelqu'un l'imite, même dans le métier, même dans sana. D'accord ? Donc ça, en ce qui concerne l'association. On en a parlé, on a beaucoup répété là-dessus. Et je refais quand même la définition de l'iman. C'est quoi l'iman? C'est la foi. Et je répète, je dis toujours, ça c'est très important, il faut que ça s'insère dans vos cœurs et dans votre cerveau. L'iman, la foi, et parole et acte. Parole et acte. Apprenez bien. Qawlun wa amal. Tout le salaf, il dit ça. Qawlun wa amal. En détail. Qawlun bil lisan. Parole de la bouche. La parole de la bouche, ça fait partie de la foi. Dire la shahada, ça fait partie de l'iman. Qawl la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça fait partie de l'iman. Changer le mal avec la bouche. Hein? Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu بيده, celui qui voit un mal, il le change avec sa main. فإن لم يستطع فبلسانه, s'il ne peut pas, c'est avec sa langue. Donc la parole, ça fait partie de l'iman. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc les trois degrés de la foi. Donc la parole rentre dans l'iman. D'accord? Parole. Parole de la bouche et parole du cœur. La parole du cœur, les ulama l'ont nommée confirmation, et l'ont nommée connaissance, et l'ont nommée jugement de véridicité, et l'ont donné beaucoup de temps. Mais ces noms-là sont synonymes. L'i'tiqad, ou l'ma'rifa, ou l'ilm, ou l'tasdiq, tout ça, c'est la même signification. On ne peut pas faire la différence. D'accord? Celui qui reconnaît qu'Allah est le Créateur, celui qui reconnaît que le prophète a été envoyé, il reconnaît qu'il y a des anges, il reconnaît le jour dernier et tout, ça fait partie de la parole du cœur. C'est comme celui qui juge que c'est véridique. Parce qu'on ne peut pas faire différence entre connaissance et tasbir, et jugement véridique, ou bien atiqad. Donc il y a différents noms, mais ils ont la même signification. Donc retenez-la bien. Ça, de toute façon, beaucoup de ulama, il y avait beaucoup de polémiques là-dessus, mais ça, c'est aqidat salaf. Le dogme du salaf, on ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence entre la connaissance. On ne fait pas de ma'rifa. Wa tasdiq la nufarriqu baynahum. Hein? Kitab al-Iman, l'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a confirmé ça, et les salaf après lui. Hein? Les salaf Mohamed Mabdoub, jusqu'à actuellement, Cheikh Blubaz et Cheikh Safar aussi, ils sont là-dessus. Pas de différence entre jugement de véridicité ou de connaissance ou d'atiqad. Tout cela font partie de la parole du cœur. C'est ce qu'on appelle croyance. Hein? Retenez. Croyance. Ou si quelqu'un vous parle en arabe, vous dit atiqad, vous dites oui aussi. Ou tasdiq, vous dites oui. D'accord? Alors, je crois en quoi? Ou je connais quoi? Je reconnais quoi? Je crois en Allah. Les piliers de la foi, ils rentrent dans la parole du cœur. C'est le hadith de Jibril. Quand Jibril est venu voir le prophète, le grand hadith que tout le monde doit connaître. D'accord? Le hadith quand il est venu voir le prophète, et que le hadith d'Omar ibn Khattab. Et qu'il s'est assis près du prophète, il a mis sa jambe à côté de lui, puis sa main aussi, puis lui a dit « Mal islam, le dit l'islam, ou shahadatu la ilaha illallah, wa iqamus salat, wa ita'u zakat, wa sawmu ramadan, wa hajjul bayt. » Ça c'est l'islam, les piliers, c'est pas l'islam, c'est les piliers, les bases. Parce que l'islam, c'est, il y a d'autres choses qui rentrent dans l'islam, hein. Le fait d'épargner le mal, par exemple, le fait, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Donc celui qui épargne les musulmans de son mal, ça fait partie de l'islam. Et donc il y a les piliers. Ça c'est juste les piliers. Et puis il lui a demandé, mal iman. Ah, c'est quoi l'iman? Il a dit, iman, al-tu'mina billah. Tu crois en Allah. En ses anges, en ses livres, d'accord? En ces prophètes, et que tu crois à la prédestinée touchant bien le mal que le touchant le mal et le bien. D'accord? Donc ces piliers là, si par exemple quelqu'un vous dit les piliers de la foi, c'est les six piliers, hein? Tu'min billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa liyawmi l'akhir. Les six piliers de la foi. Les six piliers de la foi, est-ce qu'ils constituent l'iman tout entier? Non. Ils font partie de la parole du cœur. C'est une confirmation que tu as dans ton cœur. C'est quelque chose que tu as noué dans ton cœur. Je crois en Allah, qu'il est le Créateur, qui est digne d'adoration. Premier pilier. Je crois en ses anges. Hein? D'accord? Je les ai pas vus, mais je les crois. Je crois en ses livres. Ce qui évoquait la Torah, l'Injil et tout. D'accord? Le Coran, le Zabur, le Sohaf Moussa, le Sohaf Ibrahim, et d'autres livres encore. Je crois au jour dernier. Je crois aux prophètes. Tous les prophètes évoqués dans la Sunna authentique et dans le Coran, je crois en ça. Donc croyance. Je crois à la prédestinée. Le Qadar, vous connaissez? Le Qadar, Khairi wa Sharri. D'accord? Que tout est écrit par Allah. tout a été su par Allah, premier degré. On va détailler ce sujet après, Inch'Allah, quand vous serez prêts à de croire qu'Allah, il a connu d'abord, puis il a écrit, puis il a voulu, puis il a créé. D'accord ? Je lève cette feuille comme ça. Allah a connu, et il l'a écrit déjà, dans la table gardée, des milliers d'années avant la création de l'homme. Et il l'a voulu, et il l'a créé. C'est-à-dire, il l'a créé, quand je l'ai levé comme ça, c'est lui qui a créé cet acte. D'accord ? C'est lui qui a donné ce mouvement. Sinon, je ne peux pas lever la feuille comme ça. Je ne peux pas la lever. C'est lui qui a fait que la flux nerveuse, toute la motricité du muscle fasse que je peux lever la feuille. D'accord ? C'est un sujet très important, très délicat. On va en parler après, Inch'Allah. D'accord ? Et tout ça, je dis, ça fait partie des piliers de la foi qui sont dans le hadith de Jibril. À croire en Allah, unicité de la Seigneurie, unicité de l'adoration, unicité des noms et des attributs. Allah, il a des noms et des attributs. Il nous a dit que moi, j'ai des noms et des attributs. Il nous a fait connaître ses noms et ses attributs. Hein? Il s'appelle Rahim, il s'appelle Rafour. On a eu l'information de lui. D'accord ? Croire en ses anges. Croire qu'il y a des anges de la miséricorde, qu'il y a des anges du châtiment, qu'il y a des anges qui écrivent les péchés, ceux qui écrivent les bonnes œuvres, qu'il y a des anges qui protègent les musulmans, qu'il y a des anges qui s'occupent de la pluie, qu'il y a des anges qui s'occupent des terres, il y a des anges qui... chacun sa mission. Il y a des anges qui s'occupent de la révélation, le wahi, Jibril alayhi salam. Il y a l'ange qui s'occupe de notre pessoa quand il va souffler le jour du jugement. Il y a des anges qui sont des protecteurs des musulmans. Quand les musulmans, ils appliquent parole et acte la ilaha illallah, ils sont là. Ils étaient là. Ils étaient là à la bataille de Badr. 314. Ils ont dit la ilaha illallah, Allah il a fait descendre les anges. Mais pourquoi ? Parce qu'ils l'ont appliqué parole et acte. D'accord ? Donc il y a des anges. Croyance au livre. Les livres évoqués dans le Coran et la Sunna. Les livres, c'est quoi ? Taurat, l'Injil, le Coran, Zabur, Sahaf, Moussa, ou Sahaf Ibrahim. Tout en affirmant que ces livres-là ont été falsifiés. Et que le Coran, la révélation, le dernier testament, comme disent certains du'as, est venu pour confirmer ce qui a été, pour corriger les erreurs, pour dire qu'ils ont falsifié, pour montrer les erreurs des gens du livre, qu'ils ont falsifié leur livre à la main, et pour confirmer certaines choses, et pour englober les autres livres. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Confirmant ce qui a été révélé avant. Et ce livre-là, il est le plus complet des autres livres. Il est normal qu'il soit le plus complet. Il est normal que sa législation soit la plus complète parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à qui ? À tout le monde. À l'opposé des autres prophètes. D'accord ? Les autres prophètes, ils ont été envoyés chacun à sa communauté. Moussa, il a été envoyé à qui ? Isa, il a été envoyé à qui ? À Bani Israël. D'accord ? Moussa, il a été envoyé à Bani Israël. Bani Israël. Et Isa, il a été envoyé à Bani Israël. Et après, il y avait les remaniements, les falsifications. Parmi la plus grande falsification des livres du christianisme, parmi les plus grands falsificateurs, c'est un roi qui s'appelle le roi Paulus. Et l'une de ces falsifications, c'est le premier qui a dit que Dieu il a un fils, et puis il a dit que le Christ il a deux natures, il a une nature divine. Il a une nature humaine, et c'est la nature humaine qui a été crucifiée pour abolir les péchés qui a été commis par qui ? Par Adam, subhanallah, par Adam. Inna Allah astafa Adam. Adam il est parmi les meilleurs des prophètes. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Il est le meilleur des prophètes. Adam alayhi salam. Hein? Il a fait un péché, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a pardonné. Iblis, il a fait un péché, il se gonfle d'orgueil, il ne veut pas se prosterner, et il commence à adorastakbar, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu refuser, et il se gonfle d'orgueil, il est mécréant, il est la tête des égards. Adam alayhi salam, Allah lui a pardonné, et de toute façon Adam il a été créé pour cette terre. Allah il savait qu'il va faire cette erreur, Allah il savait qu'il lui a pardonné, quand Adam alayhi salam قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Il a retourné le péché vers lui. Il a retourné l'erreur vers lui. Il a dit, c'est moi qui étais injuste envers moi-même. Et Allah, il est parmi les meilleurs des prophètes. C'est pas qu'il a fait une erreur, et c'est une grave erreur, comme disent les chrétiens. Et donc, l'une des falsifications faites par le roi Paulus, c'était ça. Et la deuxième, et ça c'est la plus grande, c'était catastrophique, c'est de transformer la religion du christianisme d'une religion à l'échelle d'une communauté. Issa, il a été envoyé à qui ? À Bani Israël. Ou à Rasoulan, il est à Bani Israël. Rasoul, un prophète à qui ? À Bani Israël. À Bani Israël, pas aux autres peuples, pas aux Arabes, pas aux Indiens, pas aux autres peuples. Et donc, il est même évoqué dans leur propre évangile. Quand une phénicienne, il est venu voir Issa alayhi salam. Il a été touché, je ne sais pas, par un diable, ça dépend des versions qui ont été évoquées par la Bible. Il a dit, sauve-moi et tout. Il a dit, tu es d'où ? Et la phénicienne dit de, je suis phénicienne. Et dans une autre version, je suis syrien. Il a dit, moi, je n'ai pas été envoyé à votre peuple. Il a commencé à pleurer et tout. Et puis, c'était un cas particulier qui l'a fait rentrer dans sa religion. Donc, Isa, alayhi salam, il a été envoyé à Bani Israël. Le roi Paulus, il a transformé cette religion à l'échelle d'une communauté, Bani Israël, à l'échelle universelle. Les Colombiens, les Indiens, les Africains, tout. Il n'a pas été envoyé à ces gens-là. Il a été envoyé à Bani Israël. D'accord ? Et les juifs, normalement, à qui a été envoyé Isa alayhi salam, ils l'ont renié. Et les chrétiens, ils croient, les livres des chrétiens, je crois que vous avez fait ça dans vos écoles. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il comprend le livre de la Genèse, le livre des poètes, les différents livres. Vous avez lu, je crois que vous avez fait ça. Et le Nouveau Testament, avec les différents évangiles, selon Luc, selon Matthieu, selon les quatre apôtres. D'accord. Ils étaient écrits à peu près un siècle après. Sans chaîne de transmission, sans rien du tout. Il n'y a pas, comme le Boukhari, il n'y a rien, pas de seule transmission. Il écrit, et puis, de qui tu apportes ça ? La mémoire, je ne sais pas où. Donc, il a transformé cette religion en une religion universelle. Voilà la première partie. Donc ça concerne même pas les gens qui vivent un Colombien ou n'importe qui est chrétien. Non, il n'a pas été envoyé. Dans la Bible, il n'a pas été envoyé. Les Juifs qui doivent normalement embrasser le christianisme parce que Isa alayhi salam, il est envoyé à eux, ils l'ont jeté et se vanter de l'avoir crucifié. Ils disent, nous avons crucifié le Messie, Isa ibn Maryam, Rasulallah, et ma qataluhu, et ma salabuhu, walakin, shubbiha lahu. Vous connaissez l'histoire. Donc, ils ont dit sur Maryam bin Imran, salam, ils l'ont condamné d'être une prostituée. Ils disaient du mal sur, ils ont dit du mal sur l'une des femmes les plus, si j'ose utiliser le mot noble, parce que j'ai peur même des mots en français, parce que ça, il cache beaucoup de choses derrière. Khayru nisa'il 'alam, apprenez-le comme ça. Ils ont dit du mal sur Maryam bint Imran. Alors que finalement, Isa, il a été envoyé à eux. Il a été envoyé à eux. Et les chrétiens, ils croient à l'Ancien Testament et ils croient au Nouveau Testament. Et les Juifs, ils croient à l'Ancien Testament, qui est le leur, c'est-à-dire la Torah et tout ce qui s'ensuit, et ils ne croient pas au Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, celui des chrétiens, avec la Torah des Juifs, il possède des contradictions. C'est obscurité sur obscurité. Voilà leur religion. Ça, c'est un point sur les livres. C'est un grand sujet. livre le jour dernier. Le jour dernier, croire au jour dernier. Je crois qu'il y a un jour dernier, je crois qu'il y a un enfer, je crois qu'il y a un paradis, je crois qu'il y a un pont à traverser, je crois qu'il y a une mizane, je crois qu'il y a un hisab, je crois tout ça. Confirmation à l'intérieur. Noué, aqida. Vous savez ce que ça veut dire aqida? On parle toujours de aqida. En arabe, ça veut dire aqd, noué. C'est noué dans le cœur. Tu noues. Personne ne peut sortir ça. D'accord? Même te frappe, ils te font ce qu'ils veulent, ils te torturent, ça sort pas. Cette confirmation, ça reste. Je crois au jour dernier, je crois au jugement, je crois en ça, je crois en ça. Et je crois plus que ça, je crois au signe qui précède le jour dernier. Alamat ça. D'accord? La venue du Messie Dajjal, la venue de le Mahdi, Ya'juj wa Ma'juj, Ar-Rih Tayyiba, tout ce qui est confirmé, tout ce qui se trouve dans le Coran, et tout ce qui se trouve dans la sunna authentique. Hein? Et on croit le Mahdi comme le comprennent les salafites. Alors que tout le monde crie, le Mahdi, les chiites l'attendent, qu'une montagne accouche de ce Mahdi, alors qu'ils disent que c'est notre sauveur, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont dit qu'il est le fils de... qu'il est le fils du dernier imam. Leur dernier imam, les imamites, là, les chiites imamites, puis déjà ils divergeaient sur le fait de le Mahdi, est-ce qu'il est le fils de celui-là, ou le fils de celui-là, ou le fils de celui-là. Ils disent que le Mahdi, c'est l'un des fils, c'est l'un des derniers imams. Ça fait je ne sais pas combien de siècles, qu'il est parti se cacher dans une montagne. Il attend qu'il sorte de cette montagne. On est en 1400 et il attend. Il y a le Mahdi, puis au sauveur, ou ça, avec leur doctrine. D'accord? Alors que les historiens et tous, ils confirment déjà que le dernier de leurs imams, il n'avait pas d'enfant. Confirmé par Ibn Atakir, rahimahullah. Et confirmé par Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Ibn Jarir, la tête des Mufassirin. Il disait que le dernier des imams d'Ishérit, il n'avait pas d'enfant. Alors où est-ce qu'il est cet imam perdu qu'il le cherche? L'imam qu'on connaît, c'est celui qui va sortir de Mecca. Les gens vont lui faire le bay'a et tout, il va combattre, il s'habille là et tout, etc. Il nous dit déjà que c'était une personne et non pas un événement de société. D'accord? Je dis ça pour... Oui, moi je réponds exprès pour répondre à certaines ambiguïtés. C'était pas un événement de société, c'est une personne. Le professeur Assalam, il l'a bien décrit et il a dit aussi, dans une loi, je crois, dans le Bukhari, il a dit qu'il ressemble beaucoup à une personne qui vit dans une région bien précise, que les gens connaissent. C'est-à-dire ressemblance, qu'il a les mêmes yeux, le même nez, qu'il a la même taille, le même visage. Et puis il a dit qu'il a des cheveux qui sont, je crois, comme ça, c'était comme un raisin, comme un raisin moisi et tout. Et puis il a parlé de comment il est. Alors pas question de tourner, de tordre le cou des textes, des hadiths qui sont authentiques, qui sont dans le Bukhari, Kitab al-Fitan, dans Muslim, dont beaucoup d'ulama ont parlé. Et c'est des hadiths authentiques, il n'y a rien à dire. Alors ceux qui essaient de falsifier finalement parce qu'ils ne peuvent pas toucher au texte, ils touchent à la signification, bon ils disent le Masih Dajjal c'est finalement pas une personne, alors que le prophète il a dit c'est une personne avec des signes bien précis et il ressemble à un homme. Et même à l'époque du prophète, un homme c'était l'un des devins, c'était l'un des kahins, c'est comment il s'appelle, Abdullah ibn Sayyad. C'était l'un des... qui travaille avec les djinns, puis il a pris cette forme de Messie Dajjal. Et même les compagnons, ils avaient peur à l'époque, ils l'ont vu. Donc ça confirme que c'est une personne, que ce n'est pas un mouvement de société, ce n'est pas un événement de société. C'est pas comme dire... Il y en a qui disent que c'est la télé et tout. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on divise la voix du salaf. On ne comprend pas, on n'explique pas les textes comme l'ont expliqué les salafs. On suit pas la voie des salafs. On commence à expliquer les textes suivant notre cerveau, suivant notre raison, suivant, alors qu'on doit le comprendre suivant les règles données par les salafs. c'est-à-dire par les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bel agir. La religion elle obéit à des règles bien précises. L'exégèse, elle obéit à des règles bien précises. Donc on ne doit pas expliquer suivant notre tête, on va l'expliquer suivant ces règles-là. Parce que si on applique d'autres règles, on fait n'importe quoi, la religion se disperse. On peut rendre licite ce qu'Allah a interdit en prenant un verset, puis du Coran, et puis on rend illicite ce qu'Allah a rendu licite. Voilà, c'est-à-dire en dribblant, en essayant de jouer le jeu des juifs et des chrétiens. C'est comme le code de la rouge, ça respecte pas. Ouais, bah oui, il y a des codes, il y a des panneaux donnés par le fiqh et tout qu'il faut suivre à la lettre. La croyance au jugement dernier, avec les signes, et après la croyance du jugement dernier, c'est la croyance en la prédestinée. D'accord ? Qadar. Qadar ou al-qadar. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Que tu crois en Allah, en ses anges, malaïka, en ses livres, en ses prophètes et au jour dernier. Et que tu crois, j'ai répété pourquoi. Et que tu crois, le verbe croire, il se répète. Et que tu crois à la prédestinée. Parce que dans le Coran, il n'est pas évoqué, c'est-à-dire cette chaîne comme ça, la phrase n'est pas évoquée comme ça. C'est-à-dire, elle est évoquée juste à ce que tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jugement dernier. Et elle n'est pas évoquée au la prédestinée. D'accord ? Mais elle est évoquée indirectement dans d'autres versets. Mais c'est comme si Allah il te dit, il faut voir dans la sunna. Elle est là-dedans. D'accord ? Il faut voir dans la sunna. C'est-à-dire l'autre source de révélation. Il ne faut pas nier l'autre source. Il n'y a pas que le Coran. Il y a le Coran et ce qui explique le Coran. La sunna rapportée par les grands imams, par les grands chouyours. D'accord ? Le Bukhari, le Muslim, Tirmidhi, le Nasa'i, Ibn Majah, et toute la chaîne des salafs. Donc, Allah, c'est comme s'il te dit, va voir dans la sunna et que tu crois. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Dans le Coran, il est évoqué quoi ? Dans le Surat Nisa. Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi. Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi. آمنوا بالله وكتبه والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا celui qui se désavoue ومن يكفر بالله d'Allah et de ses anges et de ses livres et de ses prophètes et du jour dernier, il s'est égaré, il s'est éloigné de la bonne voie. Mais il n'est pas évoqué dans ce verset, la prédestinée. Laisse le birra en tout le wujouha comme qu'il y a le masraq et le maghrib, ou l'akin le birra, man amana billahi, ou le malaikati, ou le kitabi, ou le nabiyyina, ou aata le mal à la hubbihim. Ou l'akin le birra man amana billahi, ou le yawmi l'akhiri, ou le malaikati, ou le kitabi, ou le nabiyyin. Les cinq piliers, mais le sixième pilier, il n'existe pas dans le verset. C'est comme si Allah te dit, va voir dans la sunna, ça existe. Et c'est pour ça qu'il y a la confirmation. Wa an tu'min. Wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharri. Donc ça, ces six piliers, ils rentrent dans quoi ? Ils rentrent dans la parole du cœur. C'est ce qu'on confirme, c'est ce qu'on juge qui est véridique. D'accord ? C'est ce qu'on connaît, ce que tu dois connaître finalement. Il y a d'autres choses qui rentrent dans la parole du cœur. C'est comme les signes aussi du jugement dernier, c'est comme les djinns, on ne les voit pas, et on confirme, même si on ne les voit pas, on confirme qu'il existe. D'accord ? Donc ça fait partie de la parole du cœur. On a dit, l'iman, parole et acte. Parole de la bouche. Parole du cœur. Maintenant, acte. Mais acte de quoi ? Acte du cœur. D'abord, parce que le cœur, il réagit. Le cœur, il a des actions. D'accord ? Quels sont ces actes du cœur ? C'est par exemple l'amour, la vénération, la crainte, l'appréhension, la confiance. Tout ça, c'est des actes du cœur. D'accord ? Je crois qu'il y a un enfer. Je crois qu'il y a un châtiment de la tombe. Mon cœur a peur. Mon cœur, il répugne ça. Il n'aime pas, il a peur. Il a la crainte. J'ai une crainte. D'accord. Donc le cœur, il bouge. Et les ulama, ils ont appelé ça acte du cœur. D'accord. Je crois au paradis. Je crois au fait du paradis. Je crois au bonheur du paradis. Mon cœur, il l'aime. Il a ce désir, il a cet espoir, il a ce grand espoir de voir le paradis, d'aller au paradis, qu'Allah le rentre au paradis. D'accord. Donc, acte du cœur. Dalil, dans le corps. Allah a dit, les vrais croyants sont ceux de qui le cœur sépare au moindre rappel d'Allah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم. الوجل, ce qu'on appelle le wajal, c'est l'un des degrés de la crainte. Et c'est un acte du cœur. D'accord ? Salatul man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. La personne qui possède trois choses, il va retrouver la douceur de l'iman, la douceur de la foi. An yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Acte du cœur, amour. Qu'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aime Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque. Donc, acte du cœur, amour, il fait partie de l'iman. D'accord ? Vous me suivez ? Donc, la crainte, l'espoir, l'amour, tout ça, ça fait partie des actes du cœur, des actes qu'on a à l'intérieur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font partie de la foi quand ils sont dirigés vers Allah. D'accord ? D'aimer Allah, d'aimer son prophète, d'aimer les plus proches d'Allah, tous les prophètes, parce que c'est finalement la même religion, la même mission, la même souffrance, et le prolongement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, et ce qui s'en suit, les tabirin et les ulama, jusqu'à l'heure actuelle. La chaîne ne s'arrête pas. Donc, aimer ces gens-là. Je continue même le hadith. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. Il aime la personne, il ne l'aime que pour Allah. Il aime cette personne parce qu'il fait le jihad fi sabilillah ou parce qu'il fait da'wa fi sabilillah. Il l'aime pour ça. Il ne l'aime pas pour une autre chose. Il ne l'aime pas pour l'argent. Il ne l'aime pas parce qu'il va l'élever vers un poste. Il l'aime pas. Non, il l'aime pour ça. Donc, amour pour Allah. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah lui a sauvé, l'en a sauvé, au point que si on lui donne le choix entre se jeter au feu et la mécréance, il va choisir le fait de se jeter au feu. Il va choisir qu'on le tue que de retourner à la mécréance. Parce que la mécréance, c'est la chose qu'Allah répugne, qu'Allah n'aime pas. Allah, il déteste la mécréance. Il l'a créé à Allah. Allah, il a créé le bon et le mauvais. Retenez. Il a créé le bon et le mauvais. Allah, il a créé Satan. Et Allah, il n'aime pas Satan. Allah, il a créé Pharaon. Et Allah n'aime pas Pharaon. Allah a légiféré qu'on aime ce qu'il aime et qu'on déteste ce qu'il déteste. D'accord ? Donc Allah n'aime pas la mécréance, je n'aime pas ce que n'aime pas Allah. Allah il déteste la mécréance, je déteste la mécréance. Allah n'aime pas qu'on lui associe, je déteste l'association et les associateurs. C'est les deux, hein, la lumière et l'obscurité, le blanc et le noir, la mécréance et l'iman. Le kofr wa l'iman. Donc moi je suis de ce côté, de l'iman. D'accord ? C'est pas aimer toutes les créatures, ça n'existe pas ça. Hein? Il y a des créatures qu'Allah n'aime pas. Moi, je n'aime pas ce qu'Allah n'a pas. Allah, je n'aime pas ce qu'Allah a détesté. D'accord ? Pour une raison. Allah les a créés pour des raisons bien précises. Et Allah nous a légiféré d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Il ne faut pas avoir cette notion soufie, hein? Qui est héritière. Le dogme soufi, il est héritier du dogme chrétien. Hein? La fusion entre Isa et Jésus, enfin, Jésus, leur Jésus, parce qu'il n'a rien à voir avec Isa, alayhi salam, al-muahid, al-muslim, alayhi salatu wa salam, le plus proche de notre prophète, alayhi salam, qui va venir combattre même avec le Mahdi. Donc, il n'a rien à voir avec leur Christ à eux, qui l'ont divinisé et tout. Donc, fusion, c'est-à-dire au point de dire que moi et lui, on fait qu'un. Vous avez entendu parler de ça? Je l'aime au point que moi et lui, on ne fait qu'un. Fusion. Wahdat al-wujud. Hein? le monisme d'Ibn Arabi, la'ana Allah. D'accord? Cette vision, Allah, il se trouve partout, même dans les toilettes, Hacha. C'est la définition du monisme, c'est compliqué quand même. Oui, oui, oui. Je m'excuse de l'avoir, même. Ça vient du grec, c'est-à-dire monos. C'est une philosophie, un système selon lequel le monde n'est constitué que d'une seule substance, pour lequel l'objet auquel s'applique la pensée est un par opposition à dualisme. Donc, Wahdat al-Wujud, c'est-à-dire Allah, il se trouve partout. C'est là leur dogme, il se base comme ça. Allah, il se trouve partout. Allah, il se trouve dans une statue, il se trouve dans le Kaaba, il se trouve dans des lieux impurs, il se trouve. Aqidat Wahdat al-Wujud d'Ibn Arabi, le soufisme qui est hérité finalement du christianisme. Fusion, nature divine et nature humaine du Christ, etc. Donc, je reviens aux actes du cœur. Ces actes-là, ils font partie. Comme j'ai dit, la crainte, l'espoir et tout ce qui s'ensuit sont des actes du cœur qui finalement poussent vers quoi? Quand on aime Allah, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche, l'acte. C'est l'amour qui fait bouger la volonté et l'acte. S'ensuit après, Donc, acte du cœur qui s'ensuit directement l'acte du corps. Salat, le hajj, le jihad, tous ces actes-là, l'amour bil ma'arouf, changer le mal, font partie des actes du cœur, du corps. D'accord? Preuve dans le Coran. Il y a dans le Coran une preuve, mais je ne sais pas si vous allez pouvez le comprendre. Acte des membres. Allah a dit, Allah pour autant, n'allez pas laisser perdre votre iman, c'est-à-dire votre foi. Et j'ai dit que les exégètes ont expliqué votre iman par votre prière, Allah subhanahu wa ta'ala, avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabais faisaient la prière du quel côté? Dal-Qods, d'accord, Jérusalem. Et puis Allah, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se tourner vers la Kaaba. D'accord? قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك وجهة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة c'est-à-dire que tu dois te tourner vers المسجد الحرام. D'accord. Mais la prière qui était avant vers Jérusalem, Allah va la compter ou ne va pas la compter? Il va la compter. Mais qu'est-ce qu'il a appelé cette prière? Il l'a appelé iman. L'acte lui-même, il l'a appelé iman, il l'a appelé foi. Cet acte, la prière et la salat, il l'a appelé la foi. C'est-à-dire salat en elle-même, il l'a appelé foi. C'est pas seulement la foi dans le cœur. L'acte lui-même, il ne fait pas. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ Allah, pour autant, n'allez pas laisser perdre votre iman. C'est-à-dire, n'allez pas laisser votre prière du côté de l'Qods. D'accord? Donc, l'iman égale foi. Égale acte du corps. Donc, l'acte du corps, il fait partie de la foi. Ne dites pas qu'il est le fruit de la foi. Il n'est pas seulement le fruit, il fait partie. Il est à l'intérieur. Méfiez-vous de certaines définitions. C'est-à-dire, à partir d'une définition en dévie, ça y est, tu t'éloignes de la bonne voie. Selon Abu Huraira, voilà un hadith qui montre vraiment. Selon Abu Huraira, en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'acte le plus méritoire? Il dit, voilà, quel est le compagnon a demandé au professeur Hassan, quel est l'acte le plus méritoire? Aïn al-a'mal afdalu ya Rasulallah. Et le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, la foi ou l'iman en Allah et à son messager. Quel est l'acte le plus méritoire? Il a dit, quel est l'acte? Il cherche un acte. Le compagnon cherche, quel est l'acte le plus méritoire? Et le prophète l'a dit, la foi en Allah et son messager. C'est quoi ça? Bon, l'acte, et puis la foi. D'accord. Dites-moi, tu peux lui dire l'acte en arabe. L'amal, Aïn al-a'mal afdal. قال إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. Quel est l'acte le plus méritoire? Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit la foi en Allah et à son messager. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Il y a un autre hadith aussi. Je ne sais pas si c'est selon Abu Huraira. Non, Abu Dharr radiallahu anhu, il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم quel est l'acte le plus méritoire? La même. C'est-à-dire que tu aides un fabricant, tu l'aides, quelqu'un qui est en train de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, d'écrire un livre, de faire une œuvre, tu l'aides. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas bien, qui n'est pas compétent dans son travail, tu fais à sa place, tu l'aides, tu fais à sa place, tu le dépannes. Hein? Et puis encore, regarde les degrés où passe. Il a commencé par Ayyul A'mal et Afdal, quels sont les actes les plus méritoires, puis quels sont les esclaves qui sont les plus dignes pour être affranchis, et troisièmement, si je ne peux pas. Et puis après, au quatrième degré, il a dit فَإِنْ دَعَفْتُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّ. Il a dit si je suis faible et je ne peux pas faire tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète sallam a répondu أَنْ تَكُفَّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ. C'est que tu épargnes les gens de ton mal, c'est un aumône que tu dois donner à toi-même. Dernier, tu ne peux pas aider, tu ne peux pas faire djihad, tu ne peux pas franchir un esclave ou libérer quelqu'un, tu ne peux pas aider quelqu'un, ou même le dépanner. Si tu ne peux pas faire tout ça, épargne les gens de ton mal. Hein? Ne pas dire du mauvais des gens qui agissent. Ne pas dire des mauvais de celui qui fait djihad, qui fait billah, ou celui qui fait da'wah, ou celui qui a allumé, on cherche à chaque fois, il fait une simple erreur, bon, on le noircit. On regarde, comme a dit un frère, la tache noire sur le taureau blanc, la petite tache noire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette tache? Alors, cette grande blancheur d'un taureau qui mesure, c'est pas combien, et il a tel poids, et tu insistes sur cette tache. Cheikh, il a fait cette fatwa, Cheikh, il a nié 60 ans de travail, 70 ans, avant que notre grand-père ait né. Et puis après, tu t'élèves à son niveau, là, ah, Cheikh, il a fait cette fatwa. Tu es qui pour apprendre? Tu es qui? Tu oublies tout ça, et puis ça, c'est l'ignorance. Et ça, c'est le signe que la foi, elle est basse. Quand on commence à polémiquer sur des ulama, sur des chouyours qui ont atteint un certain degré, qu'ils sont, surtout ceux qui font partie du salaire. Ça fait mal, ça fait pleurer intérieurement, extérieurement, de dire du mal. Cheikh Nubaz, Cheikh Utaymin, Cheikh Albani, Arna Oto et du Mujahideen aussi. On les a touchés même dans leur dignité. Subhanallah. Tu peux pas agir. Tu peux pas faire agir. Tu peux pas propager la bonne foi. Tu peux pas dépanner quelqu'un, même jusqu'au point de dépanner. Épargne. Regarde les degrés. Épargne les gens de ton mal. La langue. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisane. La première chose, la langue. Parce que la langue, elle est plus sévère que Wayadi. C'est-à-dire, le musulman, c'est celui que les gens, ils sont à l'abri, ou ils sont à l'abri de sa langue et de sa main. Min lisane, d'abord. Namim. Parce que celui qui dit du mal sur un grand alim, qu'est-ce qu'il fait? Il barre le chemin d'Allah. Vous voulez voir la preuve? Vous voulez connaître la preuve? Voilà tout à coup le halab in nahim. Celui qui. Allah subhanahu wa ta'ala dit n'obéit pas à celui qui jure. Chaque fois il jure. Pourquoi il jure? Wallah, wallah, wallah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de preuve. Alors il jure pour que tu le suives. Sans dalil, sans rien du tout. Hein? Hamazin masha'in binami. Hein? Masha'in binami. La médisance, elle parle, il dit du mal, il dit du. Même s'il s'avère que cette chose est vraie et que ce alim, il s'est trompé, tu ne la propages pas. Il s'est trompé. Cette erreur qu'il a faite, elle fond dans la mer de sa science. Alors qu'on est plein, nous, on est plein de péchés. Alors une erreur, c'est. Lui, s'il fait une erreur, il n'est pas considéré devant le trésor qu'il a donné. D'accord? طب هماز مشاء بنميم. تبص عالم كسكلادي، تبص عالم كسكلادي، تبص عالم كسكلادي. Et le verset qui vient après, parce que le Coran, oh, comment la signification, c'est le verset qui vient après qui explique celui qui est avant, et celui qui est avant, il explique celui qui est après, ce qu'on appelle Siyah ou Seba. Le verset qui vient après, juste ça, le verset qui parle de la médisance, de dire du mal, de propager ce qu'a fait telle personne, ce qu'a fait telle personne, c'est « Wala tuta' kulli halafin mahin, hammazin masha'in binamin » Le verset après, Manna'i l'il-khair. Manna'i l'il-khair, mu'tadin asim. Qu'est-ce qu'il a fait? Manna'i l'il-khair. Il a interdit quoi? Il a interdit la bienfaisance. Il a interdit la bonne voie. Il a interdit. Alors, ça, c'est pour quelqu'un qui dit du mauvais ou qui propage la médisance sur des gens normaux. Hein? Alors, qu'en est-il de celui qui dit sur des grands ulama? Surtout s'ils sont le prolongement de Salaf Saleh. Parce qu'ils sont le prolongement. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Personne ne peut barrer le nom de Cheikh Al-Albani sur Erwa Al-Ghali, ou sur Sahih Tirmidhi, ou sur ces livres-là. Tu peux le barrer. Tu vas mourir. Et tes petits-enfants vont parler de Cheikh Al-Bukhari, ou Tirmidhi, ou Al-Nasa, et le prolongement, et ils vont dire Sahih al-Cheikh Al-Albani. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Propage ta médisance, dis n'importe quoi. De même que Cheikh Ibn Baz. Personne ne peut barrer son nom sur Tahqiq Fath al-Bari ou sur ces œuvres-là. Ce sont des hommes qui ont donné des fruits, alors ne dites pas du mal sur eux. Même si je sais qu'il a donné une mauvaise fatwa ou quoi que ce soit. Hein? Et je ne sais pas si je ne suis pas à la hauteur du juge sur ces fatwas. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne connais pas les milieux. Laissons aux hommes de travailler dans leur champ. Ils connaissent. Parce que je n'ai pas. Déjà ici, si je m'occupe de moi, si je peux vraiment. Parce que tu ne peux pas. Une communauté sur le dos, c'est pas facile la responsabilité. D'accord? Tu épargnes les gens de ton mal. Le professeur Hassan il a dit. D'accord? Donc j'insiste sur ça. Je parle du dogme, mais le dogme qui n'a pas de fruit, ça vaut rien du tout. Habé al-Mansour. D'accord? Donc l'iman, ça, c'est un point important qui fait partie de la foi. Je vais dire quelque chose, j'ai entendu quelque chose de mauvais sur Cher. Je dis pas. Je dis pas, ma cage. Je dis que du bien. D'accord? Alors, il faut qu'on soit mis en garde contre ça. D'accord? Celui qui fait la médisance, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me rappelle pas du verset, mais la signification, ça veut dire que c'est comme tu manges la chair de ton frère. Hein? Tu manges la chair de ton frère. Tu manges la chair? Pourquoi tu manges la chair? Tu parles de lui en son absence. Mort. Mort parce qu'il n'est pas vivant. Il est mort parce qu'il est loin de toi. Il ne te répond pas, tu manges toi. Tu lui manges sa chair et lui ne peut pas répondre. Il est loin de toi. Alors qu'en est-il si cette personne qui est loin, il se trouve, je ne sais pas où, dans une situation, je ne sais pas où. La pression, ou en prison, ou je ne sais pas, dans la montagne, la poussière. Et toi aussi, tu te régales avec... si tu es privé de crème dessert, je crois que tu vas exploser. Donc, axe du corps. Qawlun wa amal. Qawlun bil lisan, qawl qalb. Donc ça c'est la définition de l'iman, d'accord? Vous retenez bien ça, d'accord? Donc pour que ça ne se mélange pas dans votre tête, l'i'tiqad et tout ce qui s'ensuit, tasdiq, non c'est la même signification, la connaissance ou l'i'tiqad et tout c'est la même signification. Bon, vous avez compris ça. J'ai dit une remarque, c'est que l'acte et la parole sont indissociables. Sont indissociables, l'acte et la parole. Ils sont indissociables. C'est-à-dire, je confirme, j'aime, j'agis avec le corps. Il y a toujours cette relation intérieure-extérieure. D'accord? Alors, inna fil jasadi la mudra, idha salahat salahat jasadu kullu, wa idha fasadat, fasadat jasadu kullu. Le cœur, s'il est mauvais, l'acte, parole mauvais. Celui qui est pourri à l'intérieur, sa parole et ses actes sont mauvais. D'accord? Quand le cœur. Le cœur, s'il est propre, les actes et les membres les actes démembrent les actes, les paroles sont bonnes. Sont bonnes si le cœur est bon. D'accord. Et aussi les actes et les membres et tout ce qui est extérieur, il influe sur l'intérieur. Donc l'une des règles de Ahl Sunnah déjà, la première c'est que l'iman est qawl wa amal, parole et acte. Deuxième, talazum batn bizar, relation intérieure et extérieure. Relation entre ce qui est à l'intérieur du cœur, acte du cœur et parole du cœur, et acte du membre et parole de la bouche. Relation, toujours cette relation. D'accord. Il est impossible que quelqu'un, il est malin, il le craint, il croit au jugement dernier et tout, il ne fait aucun acte. Il faut l'acte, qui est une condition d'authenticité. D'accord? Alors, il y a cette relation. Et donc, il y a relation intérieure-extérieure. L'intérieur, il influe sur l'extérieur. Et l'extérieur, il influe sur l'intérieur. C'est normal. D'accord? Tu es dans un groupe de croyants, tu es près d'un alim, d'un des grands chouyours, il est normal que la foi, il manque. Il y a le malaïka, il y a cette tranquillité, il y a tout ce qui s'en suit. D'accord. Et il est normal que si tu fais les efforts de qiyam al-layl et tout, la foi, elle monte. Donc c'est un acte extérieur. Tu lis le Coran, la foi, elle monte. Tu fais les efforts d'apprendre, la foi, elle monte. D'accord. Tu fréquentes des gens bien, la foi, elle monte. Tu essaies que tes yeux ne voient pas le mal, ne voient pas quelque chose de mauvais, la foi, elle monte. D'accord. Et si tu fréquentes des gens mauvais, il est normal que la foi, elle baisse. D'accord? Le cœur, il devient sombre. On a parlé le cours dernier, c'est presque comme une répétition du cours dernier, mais je l'ai voulu volontairement, finalement, pour que ça se renforce. Parce que plus on répète, plus ça se renforce. Donc, relation intérieure-extérieure. Est-ce que la foi, elle s'accroît et diminue? La foi, elle s'accroît et elle diminue. Vous êtes d'accord? D'accord? Puisque les paroles et les actes s'accroient. Même la connaissance, elle s'accroît. Celui qui croit aux anges, il dit, moi je crois aux anges, je crois à Allah, je crois aux anges. Et celui qui croit aux anges, mais il croit à tel ange, il croit à Mikaël, il croit à Jibril, Mikaël, en détail. C'est vrai, celui-là qui connaît, il est plus que l'autre qui connaît que globalement. Celui qui connaît en détail, il a une foi qui est supérieure à celle qui connaît en gros. D'accord? Même la véridicité, elle augmente. Même la connaissance, elle augmente. Les actes et les paroles, ça c'est normal. Celui qui fait plus de prières, sa foi, il est plus que celui qui fait moins. D'accord? Donc, la foi, elle monte, elle descend. La preuve dans le Coran. Allah a dit quant aux croyants, elle fait certes croître leur iman et ils s'en réjouissent. Allah a dit, afin que ceux à qui le livre a été descendu, a été révélé, soient convaincus et que croissent l'iman de ceux qui croient. Liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdad alladhina amanu imana yazdad. Donc ça monte et ça diminue finalement. Ça, c'est très important. D'accord? Il reste que je rentre sur le sujet de la croyance en ses noms et en ses attributs. Mais vu qu'il y a que l'Aden, je crois que je vais faire ça prochainement. Mais l'essentiel, si que vous retenez ça, c'est déjà quelque chose. Vous dites toujours quoi être parole et acte, vous comprenez les piliers de la foi, les piliers de l'islam. Reste à connaître maintenant la relation entre l'islam et l'iman. Je vous donne un flash, une lumière, c'est que ils sont indissociables. Un musulman sans foi à l'intérieur, il n'est pas musulman. C'est un hypocrite. Il fait la prière et tout, mais c'est pour un but précis. Donc, mais la foi, il n'a rien. Il ne l'a fait pas pour Allah. C'est un hypocrite. Et l'hypocrite, il est musulman. Il n'est pas musulman. Donc l'islam, la yakunu illa bil iman. L'islam ne peut avoir lieu qu'avec une foi. Et la foi, il faut que l'islam la réalise. Il n'existe pas de foi intérieure. Il faut que l'acte extérieur réalise cette foi. J'aime Allah, je crois en Allah, je le crains, j'espère son paradis et tout, je réagis. avec la prière, je réagis avec les bonnes œuvres. D'accord? Je réagis, je réalise cet islam. L'islam, il faut toujours une quantité de foi, de iman, qui réalise cet islam. Et cet islam, il lui faut de la foi pour le confirmer. Donc, relation iman et islam. La qaïda, une règle de l'aqida. La iman li man la islam la, wa la islam li man la iman la. D'accord? Il n'y a pas d'islam pour quelqu'un qui n'a pas de foi à l'intérieur. S'il n'a pas de foi à l'intérieur, ça veut dire qu'il a un autre but. Cet amour, il est vers autre chose. Il n'est pas vers Allah. L'hypocrite, il n'est pas musulman. Non. Et celui qui a la foi à l'intérieur, cette foi, elle est nulle, ce n'est pas réalisé par des actes. D'accord? Donc, relation, toujours cette relation très importante. D'accord? Finalement, le verset là. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. J'ai pas fait la traduction de ce verset parce que de toute façon je vais pas rentrer dans l'explication du verset. Seulement j'ai dit que l'islam et l'iman quand ils se rencontrent dans un même verset, l'islam veut dire acte extérieur et l'iman veut dire acte intérieur. Quand l'islam et l'imam ils se rencontrent, hadith Jibril, quand ils se rencontrent, l'islam veut dire salat et hajj, tout ce qui est apparent qu'on voit, et l'imam veut dire tout ce qui est dans le cœur. Mais quand ils sont séparés, et qu'on dit à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire l'islam, l'imam il rentre. Tu peux dire que l'islam, tu sais ce que ça veut dire l'islam? Tu sais ce que ça veut dire l'islam? L'islam ça veut dire salat, hajj, siyam, zakat, jihad. Amr bil ma'ruf, changement le mal et tout, et la crainte d'Allah, ça fait partie de l'islam. Tout ça, ça fait partie de l'islam. D'accord? Et l'imam, s'il est tout seul, et quelqu'un veut te dire, qu'est-ce que ça veut dire l'imam? Tu lui dis l'imam. C'est acte, parole et acte. C'est shahadat la ilaha illallah, l'imam billah, malaikati, croire en Allah, son prophète et en ses anges et tout et tout. D'accord? Croire. Et salat et le hajj, ils font partie de l'imam. C'est-à-dire, s'il te demande d'expliquer juste ce que ça veut dire la foi, tu lui dis salat, il hajj, jihad, font partie de l'imam. Tu es tout seul. Si on te demande de définir l'imam, tu leur dis que l'imam, c'est parole et acte. Et la parole, c'est parole de la bouche et parole du cœur qui est la confirmation, et acte du cœur qui est la peur, la crainte, l'appréhension, et acte du cœur qui est salat, il hajj, tout ce qui s'en suit. Ça, c'est on te dit. L'imam c'est quoi? Et l'islam isolément, tout seul, si on te demande c'est quoi l'islam, tu leur dis que c'est parole et acte aussi. D'accord? Ils ont la même définition quand ils sont séparés. Mais quand ils sont liés dans un même verset du Coran ou dans un même hadith, l'imam ça veut dire intérieur et l'islam ça veut dire extérieur. Retenez-la comme ça. C'est très important. Il y a un hadith d'Ouafd ibn Abd al-Qais. Regardez ça. Pour contredire quelqu'un qui te dit l'imam, c'est pas la salat. Rasulallah a dit Atadruna mal iman? Atadruna mal iman? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'imam? Hein? L'imam, an tu'min shahadatu an la ilaha illallah, wa iqamu salat, wa ita'u zakat, hein? Wa sawmu ramadan, wa an tu'tu al-khumus min al-maghrib. L'imam, vous savez ce que ça veut dire? C'est que tu crois en Allah, et que tu fasses la prière, et que tu fasses sawm, et que tu donnes le monde. Hein? Et que tu donnes le cinquième de Dubuta. Le Hajj n'a pas été à l'époque quand ce wafd de Abd al-Qais est venu voir le prophète. Donc il a expliqué l'iman par quoi? Par les piliers de l'islam, et il leur a dit l'iman, ça veut dire acte extérieur. Alors, si vous saisissez ça, si vous vraiment vous comprenez bien ça, personne ne peut vous secouer. Hein? D'accord? Et c'est ça le dogme de Salaf. Le dogme de Salaf. De Sunnah ou Jama'a, compris suivant le Salaf. Compris par c'est-à-dire par la chaîne des ulama, par la chaîne des hommes qui vont. Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de l'humanité, des prophètes, de tabi'in, de atba' tabi'in. Et la chaîne, elle continue jusqu'à les quatre écoles. jusqu'à il prolonge jusqu'à Ibn Taymiyyah, l'école salafique a écrit Ibn Taymiyyah, y compris Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-Hafid al-Zahabi, Ibn Kathir, al-Hafid al-Muzzi, et il continue. Imam Sanali, Imam Shoukani, Imam Mohamed Abdel Wahab rahimahullah, il continue jusqu'à Cheikh Sahman, il continue jusqu'à Cheikh Al-Al-Sheikh, les petits-fils de Cheikh Mohamed Abdel Wahab, il continue cette chaîne, il continue jusqu'à Cheikh Ibn Baz, jusqu'à Cheikh Al-Bani, et jusqu'à qu'on considère une partie du salaf. Et je le confirme, on le confirme. D'accord ? Nous les salafis, on le confirme. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له